Chapitre 11e. Baratcha faisait la malle de son frère, qui partait le lendemain, et tout en y empilant les chemises et les paires de bas, elle faisait la réflexion pratique que cette malle était beaucoup trop grande. On aurait dû la lui laisser pour elle, car les hardes de femmes tiennent bien plus de place que les effets d'hommes, chacun le sait. À quoi bon ce grand coffre dans lequel tout allait balloter? C'est une idée de Demian d'avoir demandé celui-là à maman, qui ne sait rien lui refuser. Il prétend que ça lui sera plus commode pour s'asseoir dessus. Quelle idée! Elle haussa les épaules et, pour protester contre la grandeur du coffre, elle appuya de toute sa force sur les bas et les chemises pour les faire entrer dans les petits coins. Baratcha en voulait un peu à tout le monde et à toute chose. Pourquoi avait-elle des frères? Si elle eût été fille unique, nul destin ne se fût montré plus heureux. Ses deux frères, en venant après elle, lui avaient littéralement coupé l'herbe sous le pied. Et puis cette maison était si maussade. Son père n'avait jamais le temps de s'inquiéter d'elle. N'eût-il pas mieux fait de lui chercher un mari que de gronder Demian tout le long du jour? Gronder Demian était en effet devenu pour le père Kouzma une occupation régulière, une sorte de devoir quotidien dont il s'acquittait avec une âpreté extraordinaire. Il se reprochait de ne pas l'avoir fait plus tôt et essayait de réparer par l'abondance de ses allocutions présentes la négligence des temps passés. Son fils recevait ses sermons avec une soumission qui ne laissait pas de surprendre un peu le père Kouzma. Habitué à des rébellions plus sous-entendues qu'exprimées, mais faciles à deviner. Jadis, Demian écoutait la tête basse, les joues couvertes d'un rouge vif, avec des frémissements d'impatience dans les doigts. La semonce terminée, il saluait son père, lui baisait la main à la hâte et s'en allait au plus vite. Maintenant, il écoutait ses interminables allocutions avec une patience inaltérable, relevant parfois les yeux sur le prédicateur avec une expression de douceur et d'intérêt toute nouvelle. Il semblait essayer de tirer le plus de profit possible de ses reproches accumulés sur des recommandations, le tout appuyé de menaces, si bien que plus d'une fois, son père lui demanda s'il le comprenait bien. C'est que, ayant pris la résolution de quitter la maison paternelle et de se dérober au sort qu'on lui avait préparé, Demian, par un retour assez naturel dans une âme telle que la sienne, voulait laisser derrière lui un bon souvenir et emporter le plus possible de bonnes pensées. Il avait calmé sa fougue malicieuse, et depuis plus d'un mois, ni sa mère ni la servante n'avaient eu de folie à lui reprocher dans le domaine privé du ménage. Il était respectueux avec ses parents, affectueux avec les humbles et les pauvres du village, comme s'il eût voulu se faire regretter, et c'est en effet ce qu'il voulait, comptant sur l'indulgence que provoquerait à son endroit le souvenir de ses derniers temps. Il était même aimable et souriant avec sa sœur, bien que ceci fût à coup sûr la partie la plus difficile de la tâche qu'il s'était imposée. Un autre effort était celui que lui coûtait constamment la mine désolée de Victor. Maintes fois, il lui répéta que ses airs éplorés trahissaient leur secret. Le pauvre garçon était incapable de se contenir. L'idée de quitter pour jamais, peut-être, une maison si chère, des parents si bons, lui mettait des larmes dans les yeux et un trouble complet dans les idées. Si quelqu'un avait eu le moindre soupçon du projet des jeunes gens, ils eussent été trahis par Victor 100 fois par jour. Heureusement, personne n'y pensait. Pendant que Baratcha accordait ses regrets à cette malle trop grande qu'on eût pu mieux employer, Demian s'était rendu chez M. Roussoff pour lui faire ses adieux. En réalité, bien qu'ayant tout préparé pour sa fuite, il était dans l'impossibilité absolue de la réaliser, vu qu'à eux deux, son frère et lui, il n'aurait pas pu réunir 3 roubles. Malgré sa confiance dans la promesse du médecin, Demian était très ému quand il entra dans son cabinet. « Bonjour, » lui dit M. Roussoff, qui lisait le journal. « Tu viens me faire tes adieux ?»« Oui, monsieur, » répondit hardiment le jeune homme, encouragé par le ton, non par les paroles. « Tu t'en vas demain au séminaire ?»« À moins que vous n'en décidiez autrement, monsieur. » Le médecin se mit à rire. Cette manière de lui rappeler ses engagements était fort de son goût. « Tu ne m'as jamais demandé si je m'étais souvenu de notre entretien ?» fit-il d'un ton interrogateur. « À quoi bon, monsieur ? Si vous vous en souveniez, ce n'était pas la peine d'en parler. Si vous l'aviez oublié, à quoi bon vous rappeler une chose qui n'avait pas été assez intéressante pour se graver dans votre mémoire ?»« Peste ! Quelle dialectique ! Il me semble que tu refais des progrès au séminaire. » S'il en t'y renvoyait. « Il en sera ce que vous voudrez, monsieur. Cela dépend entièrement de vous. fit Demian d'un air résigné. Eh bien, j'ai décidé que tu aurais à Moscou 4 leçons par semaine chez un de mes amis qui veut que ses deux fils apprennent à jouer du violon. On ne te payera pas très cher. Tu auras 15 roubles par mois pour tes 4 leçons. Ce n'est pas brillant, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. En outre, tu feras préparer les devoirs du gymnase à Benjamin, qui est paresseux comme un loir. Cela te prendra 4 ou 5 soirées par semaine, et je te donnerai aussi 15 roubles, ce qui fera 30. Crois-tu que tu puisses vivre avec 1 rouble par jour ? Je ne sais pas, monsieur. Je pense que je le pourrais, car je suis décidé à tout supporter. Je vous remercie infiniment de votre bonté, mais le soin de faire préparer les leçons de Benjamin sera l'affaire de Victor beaucoup mieux que la mienne, et je vous prie de le lui réserver. Je chercherai autre chose. « Victor ? » s'écria M. Roussoff. « Comment ? Tu as débauché Victor aussi ?»« Oui, monsieur, » répondit Demian, avec un léger sourire de triomphe. « Vous voilà deux sur le pavé à présent. Ce n'était pas assez d'un. » « Mais nous n'étions convenus que d'un seul. Et puis, ton père, que va-t-il dire ?»« Vous lui direz, monsieur, quand nous serons partis, que j'emmène Victor comme une sauvegarde. Victor est si bon, si doux, si pur, d'un esprit si noble et si attaché à ses devoirs, que tant qu'il sera avec moi, rien de malheureux ne peut m'arriver. Victor me donnera de bons conseils. Il est économe, adroit. Il fera une excellente femme de ménage, je n'en doute pas, conclut M. Roussoff. En effet, c'est une idée. Mais voilà un coup qui va être bien rude pour le père Kouzma. Vous lui en adoucirez l'amertume, monsieur, dit Demian avec modestie. C'est vous qui lui apprendrez que je n'ai pu résister à une vocation impérieuse. Et c'est moi qui suis chargé de la commission par-dessus le marché. Dis-moi, mon garçon, est-ce que tu te moques de moi ? Si ce n'est pas vous, monsieur, qui voulez-vous que ce soit ? Il est tellement naturel que ce soit vous, que si vous refusez de vous en charger, il verra tout de suite que vous m'avez aidé. Mon Dieu, que tu es malin, fit M. Roussoff, surpris de ce bon sens. Et tu dis que Victor est plus malin que toi ? À vous deux, vous allez remuer le monde. Je l'espère bien, répondit le sourire orgueilleux du jeune homme, mais ses lèvres restèrent muettes. Voilà qui change mes plans, reprit le médecin. J'avais mis 25 roubles dans cette enveloppe pour te conduire à Moscou et t'aider à te débrouiller. Il va en falloir 50. Les voici. Mais soyez économes à vous deux, car je ne suis pas riche. C'est un prêt, monsieur, répondit fièrement Demian. Je vous remercie de bien vouloir être le créancier d'un pauvre diable comme moi, mais je vous rembourserai le plus tôt possible. Soit, mon ami, c'est un prêt si tu le préfères. Je n'y vois pas d'objection, bien que ce ne fût pas dans mon idée. Je suppose pourtant que tu ne vas pas m'offrir un billet. Non, monsieur, ma parole vaut ma signature. Allons, c'est très bien. Quel drôle de garçon tu fais. Et ton violon, comment vas-tu faire pour l'emporter ? C'est l'affaire de Victor. Il m'a promis de le cacher quelque part. Il commence son rôle de femme de ménage. Vous ne perdez pas de temps à ce que je vois. Et lui-même, comment l'emmèneras-tu ? Il a demandé la permission de me conduire jusqu'à la station de poste. Au lieu de revenir avec notre cheval, il continuera sa route avec moi. Le paysan qui ramènera la télègue vous apportera un billet de moi, vous annonçant notre départ. Tu me fais l'effet d'Auguste avant la bataille d'Axium. Je t'admire. Dans 8 jours, nous serons à Moscou. Va prendre congé de Benjamin, et ne lui dis pas que Victor le fera travailler cet hiver. Il est incapable de garder un secret plus de 5 minutes. Je suis enchanté que ce soit Victor. Tu n'aurais fait qu'un piètre répétiteur, tandis que Victor en a le don de la patience surtout. Au revoir, mon ami, et bon voyage. Quand Paratchak, qui avait quitté la malle pour aller prendre 1 ou plusieurs tasses de thé, revint pour y jeter un coup d'œil, elle fut surprise de trouver que le coffre avait dû singulièrement rapetisser à l'intérieur. Les objets étaient bien à la place où elle les avait mis, mais ils remplissaient l'espace autrefois vide entre leur niveau et le couvercle. Victor, debout, appuyé contre la fenêtre, regardait cela d'un air détaché. « Qu'est-ce que tu as fourré là-dedans ? » demanda Paratcha, indigné à la pensée qu'on avait touchée à son œuvre. « Des cahiers d'histoire sainte que j'ai prêtés à Demian, tous mes anciens devoirs du séminaire. Il y en avait une montagne. Je les ai mis dessous pour ne pas chiffonner ton beau rangement. » « Tu as grand tort d'encourager sa paresse, » grommela Paratcha. En voilà un qui ne mourra pas d'un excès de travail. Tu n'as plus rien à y mettre? Ce n'est pas malheureux. » Dans sa mauvaise humeur, elle ferma la malle avec énergie, fit tinter la serrure, musicale comme toutes les serrures de ses coffres destinées aux classes inférieures, et qu'on paye plus cher quand la musique résonne bien fort. Puis elle remit la clé à Victor. « Tiens, donne-la lui à ce vaurien. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de ces hardes tout le jour. » Et elle s'en retourna à des travaux plus agréables, puisqu'ils étaient destinés à l'embellissement de sa propre personne. Le lendemain, vers midi, après un repas sommaire, Demian s'approcha du père Kouzma pour demander sa bénédiction. La télègue était devant la porte, attelée du cheval qui servait au prêtre pour les travaux de la terre, et d'un autre loué pour la circonstance. Le propriétaire de ce dernier animal devait servir de cocher jusqu'à la station de poste où passait la diligence qui conduisait au séminaire. Le père Kouzma n'avait pas l'intention de gronder son fils ce jour-là, ayant satisfait à ce devoir la veille, de manière à pouvoir se reposer pendant quelque temps. Il bénit son enfant et l'embrassa avec plus de tendresse que de coutume. L'excellente tenue du jeune homme, pendant ces derniers jours, l'avait radouci à son égard. Demian, lui, était très pâle. Une émotion qu'il retenait à grand-peine l'avait saisi devant cette mansuétude inaccoutumée. Il n'osait regarder ni son père, ni sa mère, ni Victor, et son projet faillit s'évanouir en fumée, car il allait peut-être tout avouer en demandant pardon, quand son père, jugeant qu'il avait oublié une partie de son devoir, lui dit d'un ton sévère « Et surtout plus de musique !»« Adieu, mon père, adieu, ma mère !» répondit Demian d'une voix redevenue ferme. « Tu viens avec moi, Victor ?» Victor s'avança vers son père pour recevoir aussi sa bénédiction. Le prêtre, un peu surpris, avait l'air de lui demander pourquoi ce zèle pieux. « Comme un Demian, mon père, » dit le pauvre garçon, honteux de sa fraude et plus malheureux qu'un grand criminel. « Soit, » fit le père Kouzma en bénissant son aîné, « ne t'attarde pas, la nuit vient si vite. » « Adieu, » répétèrent ensemble les deux fils déjà sur le seuil. Ils montèrent dans la télègue. Le paysan fouetta son cheval. Ils passèrent la barrière qui fermait l'entrée du village, jetèrent un dernier signe de la main aux maisons grisâtres, et s'entre-regardèrent, osant à peine croire au succès de leur entreprise. « Oh !» fit Victor avec regret. « J'ai oublié quelque chose. »« Quoi ?» demanda son frère inquiet. « Le violon ?»« Non, il est dans la malle et nous sommes assis dessus. J'ai oublié de dire adieu à Paracha. »« Oh bien, il n'y a pas grand mal, » dit Demian en riant. « Et puis, quand on oublie quelque chose, c'est bon signe. Cela veut dire qu'on reviendra. » La forêt, puis les champs, puis la chaussée poussiéreuse, tout cela passa comme dans un rêve, et quelques heures après, les deux frères se trouvèrent sur la grande route de Moscou, tout à fait libres et tout à fait seuls.